tue-moi encore. Oh, tu me tues, assassine de la nuit. Bonhomme, mec, gars, homme, garçon, père, fils ou frère, LSD, la série documentaire, s'est terminée pour cette semaine. Et si vous voulez l'égalité, bibliographie, lien, mais aussi nous podcaster pour la guerre des sexes ou nous réécouter en boîte de nuit, eh bien tout ça, c'est sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Et les belles pages, eh bien c'est grâce à Marivonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc, et même sur Instagram, LSD La Série Documentaire. Et toujours nous podcaster sur tout un tas de plateformes. Et la semaine prochaine, nous irons voir comment les migrations changent parfois le visage des villes. Mais demain, à la même heure, c'est Grand Reportage, et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à lundi, il y a les rendez-vous documentaires du week-end, Une histoire particulière et Une vie, une œuvre.